nous maquer l'amour en nous. Si jamais un jour la vie fait nous changer, nous déjà coulés ensemble. Oui, où songez-moi, chérie? Oui, où songez-moi? Ou pas jamais oublier? Oui, où songez-moi? Composer une belle petite mélodie pour pas qu'un mensonge pense aussi.